jette le bâton devant le roi. Le serpent vit sous ton regard. Les magiciens imitent quelques signes, mais ta puissance va plus tard. Tu annonces premier coup sur l'Égypte. Le Nil change de visage. Quand l'eau devient sans sous tes paroles, le royaume tremble sous ton passage. Quand tu frappes pour délivrer, tes signes dépassent les imitations. Tu dresses ta puissance. Aucun faux dieu ne tient debout. Même les imitations s'écroulent devant ta voix qui parle plus doux et plus fort que tout. Quand tu dresses ta puissance, les fleuves changent de couleur. Car même la source de la vie devient un témoin de ta grandeur. Mais Pharaon durcit encore son cœur. Même après le premier choc. Car